Bonjour à tous. Aujourd'hui, velouté de chou-fleur de Bretagne du Barry pour 4 personnes. Un blanc de poireau, un beau chou-fleur, 20 g de beurre, 1 demi-litre de fond blanc de volaille, 25 cl de crème entière, 2 cuillères à soupe de crème entière épaisse, 2 tranches de pain de mie pour croûtons, du cerfeuil et du sel. Faire blanchir le chou-fleur avec la queue bien épluchée, à l'eau bouillante salée 2 minutes. Rafraîchir, égoutter, garder quelques sommités pour le décor. Faire suer le poireau au beurre, ajouter les fleurs de chou-fleur, mouiller au fond blanc plus crème, 30 minutes à feu doux et assaisonner. Mixer finement le tout, mettre au point, ajouter la crème épaisse, ne plus faire bouillir. Dresser dans des assiettes chaudes, plus sommité, plus crouton frit, plus cerfeuil. Un petit vin conseillé, un Seyssel blanc à boire avec modération.